ça. Je sors de l'ombre comme une chauve-souris. Arrivé en ombre. Non, un seul fétu. Pas moi la peau, je gratte de jour comme de nuit. Trop de monde mate mon watt sur tous mes ennemis. Je remercie ceux que ça intéresse aussi. Si vous n'étiez pas là, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Tu comprends pas le sens de mes textes, t'as rien suivi. Pour faire court, je parle de sexe ou de philosophie. Rien d'intéressant, juste un ramassis de conneries qui résume ma vie en se servant de mélodies. Je pourrais rapper des trucs cool, mais j'en ai pas envie. Quand tout roule, c'est souvent là qu'arrivent les ennuis. Je me prends plus la tête depuis que j'ai capté que quoi que l'on fasse, finira par se faire tacler. Prends mon flow à la légère quand tu sens qu'il est lourd. D'après les tirs de mes frères, je percerai un jour. Brimla, brimla, with a Cartier eye and his car go by like him. With a Cartier eye and his car go by like him. Fresh to death, F and F. Ok, ok, ok, ok, je vais me lancer. C'est juste un morceau de plus, tu sais j'ai rien à prouver. Je reste dans le rythme, jamais essoufflé. La puissance des chevautines suffira pas me rattraper. Je paye pas de mine, mais en me voyant tu seras étonné. Encore un blanc qui se prend pour un black, j'aurais pas osé. Est-ce que mon flow passe en boîte? Non, faudrait pas pousser. Toujours les mains moites et les manches retroussées. J'encaisse les droites, il en faut plus pour me coucher. Loupé, fiasco, pareil, je fais un succès. Dans ta vago, ta meuf voudra me. Je laisse un blanc, t'as bien compris, je voudrais pas te choquer. J'attends rien de mon public, il n'aime pas liker. Juste quelques clics si c'est pas trop rudement. Et je reste le même avec ou sans succès. Après quelques albums, vous demanderez d'en reparler. Brimla, brimla, with a Cartier eye and his car go by like him. Yeah, tip, tip, tip, brimla, brimla, with a Cartier eye and his car go by like him.